Ok, moi, je suis incompris parce que je rentre pas dans leur case. À balle de son dans le casque, parce que je me casse dès que j'en ai l'occasion. Parce que je vis pleinement, parce que je te parle vraiment. Parce que la liberté et moi, on est comme des aimants. Je suis incompris par leur hiérarchie, mais je m'agite et j'agis. Écrire pour élever les consciences, c'est de ça qu'il s'agit. Loin de leur format, j'ai vu trop de branches à virer. Je te parle d'échange, moi, pas de leur planche à billets. Incompris parce que mes profs captaient pas ce que le rap m'apporte. Qu'un beau jour je me suis enfui en force qu'on me claque la porte. Parce qu'à rester droit dans les virages on tapera le bord. Parce que je trouve des schémas de vie semblables dans des choses qu'on pas de rapport. Incompris depuis que la rue m'a fait des chants traumatiques. Que la drogue a repris son dû, la vie des potes de ma clique. Que je rentre pas dans les rangs car ça me les casse. Que ma chemise noire a vécu plus d'enterrement que de soirée classe. Incompris par l'état, les tasses et les zonards de teuf. Les rappeurs, les cerveaux cassés par ces connards de keuf. Parce qu'on est ni trop faible ni trop fort. Parce que je reste vrai, parce que je passe mes nuits derrière un microphone. Dis-leur que je m'en tape, que j'attends pas qu'on vienne me chercher. Que si être fou c'est être moi, alors je suis fier d'être perché. Que je ferai tout pour que le savoir éduque ma connaissance. J'ai touché le fond pour trouver le sens, cet album c'est ma renaissance. Incompris car je fais du son pour apaiser ma ville. La conseillère d'orientation a bien failli baiser ma vie. Parce que je suis le seul à croire que ma passion c'est mon taf. Que les quais sont crash et qu'à faire du son tard, je déplacerai des montagnes. Ferme-la un peu, tu m'insupportes, toi t'habites, c'est ta lutte. En décalé, mais je le vis bien d'habiter sur la lune. Incompris parce que je suis pas de ceux à qui on jette des roses. Inconnu parce que rester soi paye moins que de jouer des rôles. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre. Moi je trouve l'inspi dans des riens qui font du tout. Bientôt 25 biches que j'analyse, que je vois des gens bien au fond du trou. Entre cœur ou trèfle, loin d'être à l'aise, y'a pas d'hasard. J'ai pas beaucoup de rêves, mais si mon son tapait, ça sera déjà ça. Je suis incompris parce que j'emmerde le système et ses modalités. Que je kiffe vandaliser parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Mon rap, une contestation à toutes ces familles oubliées. Un cri de protestation, je représente les familles d'ouvriers. Incompris depuis la maternelle. Dans le fils, j'ai vu trop de gens prêchant, pensant que l'argent les rendrait fils de l'éternel. Moi, je suis un gosse de l'univers, du soleil et du vent. Un fils du verbe, on s'entendra pas si c'est l'oseille que tu ventes. Tes lois, je m'en cogne, ta bourse est maléfique. Sais-tu ce que l'adrénaline est bonne quand tu te fais courser par les flics? J'hallucine, c'est moche, hein, on se met nous-mêmes des pénalités. La jalousie, c'est derrière son prochain pour ses qualités. Je suis incompris, mon sort, tu le captes. Qu'on soit aigri, je m'en tape. J'écris pour les esprits qui sortent du cadre. Pour ceux en marche, quand on marre d'en pâtir bêtement. Pour ceux qui aiment la vie, qui se mettent en marche avant de partir vraiment. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre. Je prends la plume quand il faut se plaindre.